Christ. Nous sommes jeudi 22 août 2019. Bienvenue à ce journal dont voici l'essentiel de l'actualité. Aucun administratif n'a été mandaté pour saboter les activités des partis politiques. Ceux qui le font sont à dénoncer et à traduire en justice, prévient le ministre de l'Intérieur dans une réunion avec les gouverneurs des provinces et les présidents des partis politiques. Et le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, demande aux administratifs à tous les niveaux de punir tous les auteurs de violences politiques observées ces derniers jours. Le président de ce parti, le secrétaire général plutôt de ce parti, il l'a dit lors de la célébration mardi de 3 ans de la mise en place des organes dirigeants de ce parti. Et le prix de la viande des bœufs en province de Cibitoka a sensiblement augmenté depuis un mois. L'administrateur de la commune Rugombo, où s'observe cette montée des prix, met en garde ses bouchers contre ces spéculations. Eric Kuimana assure la mise en onde. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Ouvrons ce journal par la page sécurité. Deux personnes, une femme et son mari, habitant Kavumu, en commune Mugamba de la province Bururi, ont été blessés dans une explosion de grenades dans leur salon. C'était vers 20h30 de ce mercredi. Le présumé auteur de ce coup est le fils du chef de famille blessé qui venait d'éteindre la lampe du salon juste avant l'explosion, selon les voisins de cette famille. Les blessés sont dans une structure de soins et le présumé auteur a été directement arrêté par la police pour être interrogé, selon Frédéric Niyondima, gouverneur de Bururi. Page politique. Le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, demande aux administratifs à tous les niveaux de punir tous les auteurs de violences politiques observées ces derniers jours lors de la célébration mardi de 3 ans de la mise en place des organes dirigeants de ce parti. Le secrétaire général de cette formation politique a déclaré que le CNDD-FDD a engagé un dialogue avec le parti CNL pour trouver des solutions aux problèmes qui opposent et parfois leurs militants respectifs. Évariste Ndayishimiye appelle le gouvernement à assurer un arbitrage impartial. Suivez-le. Nous confirmons que lors de la campagne électorale, nous n'allons pas nous rentrer dedans avec nos adversaires politiques. Le parti au pouvoir est considéré comme un parent. Il peut arriver qu'il y ait des enfants qui se comportent mal. En ce moment, nous demandons à nos membres de tout faire pour bien cohabiter avec les membres des autres partis politiques. Nous avons déjà commencé à dialoguer avec les autres présidents des partis politiques. Je donne l'exemple du parti CNL, dont certains disaient que ses membres se regardent en chien de faïence avec ceux du CNDD-FDD. Je vous dirais que le dialogue est déjà en cours. Nous avons déjà constaté qu'il n'y a aucun différent entre nous. C'est pourquoi nous demandons aux autorités administratives de rester vigilants. Tout n'est pas rose. Il peut arriver que les gens se chamaillent, mais tout le monde est égoïste lorsque l'on est à la recherche des intérêts individuels. C'est pourquoi les autorités administratives et sécuritaires doivent sécuriser cette voie. Il faut également que le gouvernement reste un bon rassembleur et qu'il nous accompagne pour que rien ne nous empêche de progresser. Qu'un malfaiteur soit puni conformément à la loi, quel que soit son parti politique d'origine. Nous demandons au gouvernement de ne pas avoir un côté penchant à ce sujet. Cet appel concerne également les gouverneurs des provinces, les administrateurs communaux, ainsi que les commissaires provinciaux de la police. Que tout le monde travaille dans le sens de redorer l'image du pays. Au Burundi, il y a un peu de temps. C'était le secrétaire général du parti au pouvoir, le CNDD-DD. Les acteurs de perturbation des activités d'autres partis politiques et de discours politiques divisionnistes doivent être punis. Propos de Gaston Sindimo, premier vice-président de la République, lors d'une réunion ce jeudi à l'intention des gouverneurs et des provinces et les présidents des partis politiques sur la situation politique au Burundi et la préservation de la paix et la sécurité. Pascal Vérandaguié, ministre de l'Intérieur, ayant la gestion des partis politiques dans ses attributions, averti quant à lui les administratifs que personne n'a été mandaté pour perturber les activités des partis politiques et les détails avec Eline Belnivikir. Dans cette réunion, le ministre de l'Intérieur rappelle que le rôle des administratifs est de faire respecter les lois et les activités des partis politiques. Pascal Warandaguié salue les réunions tenues par des administratifs avec les partis politiques dans leur localité. Il met cependant en garde ceux qui perturbent les activités des partis politiques. Nous avons demandé aux responsables provinciaux de rencontrer le plus souvent les leaders des partis politiques, au moins deux fois par mois. On a remarqué que ces réunions sont très nécessaires. Cela permet aux politiciens de ne pas se jeter le tort en cas d'intolérance politique. Là où ces réunions sont tenues, la situation est calme. Aucun administratif n'est autorisé à empêcher un parti politique de fonctionner. Selon Gaston Sindimo, premier vice-président de la République, les propos divisionnistes et les perturbations des activités des autres partis politiques doivent être sanctionnés. Il demande également la neutralité des forces de sécurité. Nous demandons aux administratifs, aux responsables des partis politiques, que quiconque va prononcer des propos divisionnistes ou de nature à faire peur la population sur le processus électoral, qu'il soit immédiatement traduit devant la justice. Certains transporteurs se plaignent qu'ils se voient souvent refuser de transporter certains politiciens. Nous demandons que tout citoyen puisse jouir de ses libertés. Une réunion pareille, réunissant le ministère de l'Intérieur, les responsables administratifs au niveau provincial, ainsi que les responsables des partis politiques, s'était tenue le 19 juillet précédent. Merci à Eline Bel Nivigira. Malgré tous ces appels, la permanence communale du CNL Siza Murago, au chef-lieu de la commune Burambi, en province Rumonge, qui allait être inaugurée ce samedi 24 août courant, a été saccagée la nuit de ce mercredi à jeudi par des personnes jusqu'à présent inconnues. Obed Nakiruta, représentant provincial du CNL à Rumonge, dénonce ce qu'il qualifie d'intolérance politique dont est victime son parti sans aucune intervention de l'administration. Il explique que 12 permanences de ce parti ont été soit détruites, soit incendiées, soit salies au moyen des excréments humains. En 3 mois dans cette province et aucune action en justice n'est apparemment en cours, même pour des cas flagrants comme à Minago. Juvenal Vigilimana, gouverneur de Rumonge, dit que les instances compétentes sont à pied d'œuvre pour traquer ces malfaiteurs. Pour ce cas de Burambi, il informe que 13 personnes constituées des riverains de cette permanence à Murago sont sous interrogatoire. Des tâches ménagères énormes est l'une des raisons qui fait que des femmes ne soient pas membres actifs dans des partis politiques, comme l'indiquent les habitants de la colline commune Gisagara en province Changuzo. Le conseiller provincial du gouverneur de la dite province trouve que la culture burundaise serait à l'origine de ce manque de militantisme de ces femmes. Les détails avec Vestine Boutoy. Parlons femmes. Des familles de la colline commune Gisagara en province de Cankuzo affirment qu'elles sont membres des partis politiques. Cependant, une d'entre elles, membre du parti UPRONA, déplore qu'elle ne participe pas dans toutes les activités organisées par ce parti politique comme le font leurs maris à cause de diverses raisons, entre autres les travaux ménagers. Nous, les femmes, nous sommes prises par des activités ménagères et c'est pour cette raison que souvent il y a des réunions auxquelles nous ne participons pas alors que nos maris ont tout le temps nécessaire pour y participer. Une autre femme, membre du parti SNDD-FDD, indique qu'elle milite au sein de leur parti même si elles ne sont pas au même rang que les hommes. Nous n'avons aucun problème parce que nos maris ne nous contraignent pas à rester cloîtrés dans nos enclos. Ils nous aident à émerger dans nos partis politiques en nous apprenant la charte du parti dans lequel on est. Ce qui fait que certaines femmes ne militent pas comme les hommes serait le manque de courage et de souplesse, conclut un homme de cette localité. Ce monsieur explique que les femmes essaient quand même, mais qu'elles n'ont pas du courage que les hommes pour pouvoir accomplir certaines tâches au moment opportun. Quant au conseiller principal du gouverneur de la province de Cankuzo, Pierre Claver Nakumugango, parmi les facteurs qui font que certaines femmes ne participent pas activement dans des partis politiques figurerait la culture burundaise. Denis Banchimiusa, docteur en sciences politiques, confirme qu'il existe encore des femmes sympathisantes des partis politiques et les conseille à montrer de quoi elles sont capables. Il faudrait concrètement que les femmes fassent leur combat pour entrer dans les instances dirigeantes des partis politiques, prennent la parole au sein des partis politiques pendant les réunions et participent à la prise de décision au sein des partis politiques. Denis Banchimiusa lance un appel vibrant à tous les hommes d'aller au-delà des mœurs pour soutenir leurs femmes afin que ces dernières soient membres actifs des partis politiques dans lesquels elles sont. Merci à Vestine Nebuto. Y revenons sur la page politique. Les administratifs en mairie de Bujumbura sont appelés à faciliter le travail des responsables des partis politiques. Le maire de la ville de Bujumbura, lors d'une réunion ce mercredi avec les administratifs, les responsables des partis politiques et le corps de sécurité, certains ont suggéré que les jeunes affiliés aux partis politiques ne se mêlent pas dans le travail de l'administration. Freddy Monima a en outre recommandé aux administratifs et politiciens d'éviter tout discours de nature à les discréditer. L'éditer avec Mary Kanyang. Une interdiction à effacer les écrits et à souiller les permanences des autres partis politiques a perturbé l'ordre public. Le maire de la ville de Bujumbura en appelle à un discours de paix et non changeant, un discours réconciliant entre différentes formations politiques le jour comme la nuit. Des discours non changeants, de bonnes paroles, il faut les joindre aux actes, suggère Leonidas Ninganza, commissaire municipal. Je voudrais que ces bonnes paroles soient les mêmes lorsque vous serez de retour dans vos localités respectives. Je demande aux jeunes affiliés aux partis politiques de ne pas s'immiscer dans les affaires administratives. Ce n'est pas à eux de prendre les affaires en main. Que ce soit pour l'ouverture des permanences, que ces jeunes respectent les mesures de l'administration. Les heurts entre membres des partis politiques résultent de la méconnaissance de la loi, constate un responsable du parti MSP en mairie de Bujumbura. Lors de cette réunion de ce mercredi, Freddy Mbonimpa, maire de la ville, a recommandé aux administratifs de faciliter le travail des responsables des partis politiques. Je clôture mon mot en demandant aux administratifs de faciliter la tâche aux responsables des partis politiques et je le répète, il y en a parmi les administratifs qui abusent de leur pouvoir, qui crânent. Nous les administratifs, soyons courtois, cela ne nous empêchera pas de rester chef de zone, administrateur. Ce conseil, je le prodigue à ces administratifs, je sais qu'il y en a. Une réunion visant un terrain d'entente vers les élections de 2020. Isanganiro, la radio de l'avenir. Parlons commerce à présent. Les préparatifs d'opérationnalisation du nouveau marché de Kinama, comme la construction des étagères, vont bon train, comme l'indiquent certains commerçants. Cependant, ils déplorent que ceux qui ne sont pas en ordre pour le paiement total des stands ne seront pas autorisés à travailler. Désiré Ndikoumana, commissaire de ce marché, a fait savoir ce jeudi qu'il prévoit octroyer des places à ceux qui n'en possèdent pas. Les détails avec Marie-Claire Kazenez. Arrivé à ce marché de Kinama, on constate les mouvements des commerçants qui viennent visiter leur stand. Ceux qui se sont exprimés à nos micros nous ont dit qu'ils sont déjà prêts et surtout qu'ils étaient venus pour finaliser les travaux comme l'installation des étagères, comme l'indique ce commerçant. De ma part, les travaux de finissage vont bon train. J'étais venu ici pour installer des étagères, vu que j'ai déjà payé l'argent qu'on nous avait demandé et on m'a donné la permission d'installer ce qui moleste. Nous sommes à travailler dès la date du 10 septembre et espérons que cette fois-ci, cette occasion ne sera plus reportée comme ça a été auparavant. Cette commerçante, de sa part, est satisfaite du déroulement des derniers travaux, mais demande aux concernés d'accorder un délai à ceux qui n'ont pas pu payer l'argent qu'on leur a demandé afin de les laisser travailler. J'étais venue ici pour constater que réellement, ils sont en train de finaliser les travaux de construction. Mais nous demandons que ceux qui n'ont pas pu payer l'argent en totalité, qu'on leur accorde un délai afin de les laisser travailler, puisque parmi eux figurent des veuves. Car avec un capital de 30 000 francs, on ne peut pas payer 270 000 francs en une seule fois. Le commissaire de ce marché, hors de nos micros, nous a fait savoir que pour le moment, ils sont en train de mettre sur les listes ceux qui sont en ordre. Désiré Ndikoumana a ajouté qu'il prévoit aussi accorder des places à ceux qui n'en possèdent pas. Les activités de ce marché, qui a été inauguré officiellement ce lundi, sont prévues débuter le 2 septembre de cette année. Marie-Claire Kazenez, je vous le dis en titre, le prix de la viande de bœuf en province de Cibitoke qui a sensiblement augmenté depuis un mois, d'une somme allant de 500 francs à 1000 francs, passant de 6000 à 6500 francs ou à 7000 francs burundais. Les bouchers expliquent que ces dernières semaines, ils sont obligés de s'approvisionner à partir de la province Kayanza. L'administrateur de la commune Rugombo, où s'observe cette montée de prix, met en garde ses bouchers contre ces spéculations. Correspondance d'Alexis Ndaïlagish. Le kilogramme de la viande qui se vendait à 6 000 francs bou se vend pour le moment à 6 500 francs bou dans certains marchés. Dans d'autres marchés, toujours de la commune Rugombo, le kilogramme est allé à 7 000 francs bou au lieu de 6 000 francs bou. Il y a de cela et moi. Les bouchers contactés indiquent que les vaches à battre en province Cibitoke sont rares, affirmant qu'ils sont ravitaillés en province Kayanza en les déplaçant par camionnette. Les consommateurs de la viande contactés demandent aux autorités administratives de faire respecter le prix qui été reconnu. L'administratrice de la commune Rugombo, Béatrice Kaderi, indique qu'il a déjà eu cette information et que même les représentants des bouchers sont venus lui demander de lui donner l'autorisation de monter le prix sans succès. Elle précise qu'il va envoyer certains agents de cette commune dans les marchés afin de faire respecter le prix reconnu par la loi. C'est-à-dire de 6 000 francs bou. Il met en garde à ses bouchers que celui qui sera hors de la loi sera sanctionné d'une amende. Depuis Cibitoke, Alexis Ndaïlagije, Radio Isanganiro. Merci à Alexis Ndaïlagije de Cibitoke. Rendons-nous au sud du pays, à Rumonge précisément, où les palmiculteurs vont désormais bénéficier des crédits bancaires et éviter d'écouler leur production à bas prix. C'est après un partenariat signé entre l'Association pour la promotion des palmiculteurs du Burundi et la microfinance d'épargne et de crédit Itongo, un partenariat dont le contenu était en train d'être vulgarisé parmi les représentants des palmiculteurs de Kizu Kasome Crédit, n'est-ce pas Jean-Pierre Misako? À côté du renforcement des capacités aux palmiculteurs et l'échange des informations dans le secteur palmicole, ce partenariat entre la microfinance d'épargne et de crédit Itongo Messi en sigle et l'association pour la promotion des palmiculteurs du Burundi à Propabou prévoit l'octroi des crédits aux palmiculteurs selon Festus Chiza, représentant légal de la Propabou. De son côté, Philbert Niyonzima, directeur gérant de cette microfinance, dit qu'on s'inquiète d'une quelconque faillite en se lançant dans ce secteur, un secteur dans lequel les autres institutions bancaires avaient hésité de se lancer. Selon lui, le crédit est accordé suivant la production qui constitue la garantie. Nyomungere Francine, l'un des palmiculteurs, se dit satisfaite de ce partenariat qui les mettra désormais à l'abri des bas prix qui étaient pratiqués sur leur production élevée, surtout dans les mois d'octobre-novembre pour l'huile de palme. Ce mercredi, c'était le troisième jour du tour de vulgarisation de ce partenariat après Buruhukiro et Kigwena. Jean-Pierre Misago depuis Kizuka, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. Parlons de la Sainte Mousse avant de boucler la boucle de ce journal. La brasserie du Burundi a procédé à l'extension de son usine de Gitega en vue de croître et sa capacité de production. L'administrateur directeur général de la Braroudi l'a annoncé l'après-midi de ce mercredi à Gitega lors de l'inauguration officielle des nouvelles infrastructures de production. Il a fait savoir qu'à côté des boissons Nyongera et Nyongera Super, cette unité de Gitega produira d'autres boissons à base d'éléments locaux. Le deuxième vice-président de la République qui a représenté le gouvernement dans cette activité reconnaît la part de la Braroudi dans le développement du pays. Plus de précisions avec Charles Makote. Ces travaux d'extension et de rénovation de l'unité de production de Gitega ont coûté un total de 10 millions de dollars américains, comme l'a dit Herbert Eze, administrateur directeur général de la Braroudi. À côté de l'augmentation de la production, l'administrateur directeur général de la Braroudi dit que ces investissements vont permettre l'augmentation des achats des matières premières locales. Après un certain temps, grâce au succès de la bière Nyongera, on est arrivé à un point où la capacité n'était pas suffisante. La chose importante dans ce partenariat, c'est que cela a permis d'augmenter notre capacité et pour cela d'acheter beaucoup plus de sorgho aux fermiers avec lesquels nous travaillons et cela pour produire Nyongera, Nyongera Super, Viva Malt et Maltina. De son côté, Joseph Boutore, deuxième vice-président du Burundi, il a indiqué que le développement des entreprises constitue un des piliers du plan national de développement. Il a en outre indiqué que l'État burundais est satisfait du fait que ces investissements contribuent au rayonnement des produits locaux. Nous sommes persuadés que cette innovation permettra une bonne valorisation des matières premières agricoles locales, ce qui aura certainement un impact positif multidimensionnel, grâce notamment à un accroissement des revenus chez les agriculteurs et au rayonnement des produits made in Burundi. Merci d'avoir choisi le sorgho, l'une des cultures vivrières très liées à l'histoire de notre pays. Et nous vous suggérons, dans vos perspectives de partenariat avec la population locale, de privilégier davantage les agriculteurs regroupés en coopérative. La Braroudi est une entreprise qui s'acquitte du PMA d'impôts et taxes, ce qui contribue au développement du pays, a renchéri Joseph Gutoi, deuxième vice-président du Burundi, qui a promis le soutien du gouvernement à toutes les initiatives de la Braroudi visant l'accroissement des revenus du pays. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Un bon après-midi à toutes et à tous.